notre école. J'irai pas, j'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas me coucher. Votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. Ah, ça fait plaisir. Ouais, il y a des jours comme ça. On découvre une affiche collée par-dessus une pub qui détourne les pubs provoques de l'armée. Bienvenue dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste sur Radio Dio 89.5 qui arrive malgré tout à vous dénicher de petites bonnes nouvelles. Ah, ça fait plaisir, disais-je, de croiser dans les rues ces détournements qui montrent un peu mieux ce que c'est que l'armée. On trouve d'ailleurs sur le site lenumero0.info un article qui nous invite à recouvrir les publicités de l'armée. Ces derniers mois, lit-on dans l'article, les abribus de nos villes ont été décorés pour la dernière campagne de pub de l'armée de terre. Une fois de plus, le service com de nos charmants bidas veut faire croire qu'être soldat tiendrait plus ou moins du développement personnel. S'engager dans l'armée, ce serait l'occasion de croire en soi, donner un sens à sa vie, aller de l'avant, faire du sport, etc. Face à ce foutage de gueule flagrant, l'article conclut par nous avons donc décidé de répondre à cette campagne d'affichage dégueulasse en imprimant et collant nos propres affiches qui, elles au moins, décrivent avec un peu plus de vérité ce qu'est le métier de soldat. Nous vous invitons à faire de même partout. Recouvrons la propagande belliciste de l'État et que fleurissent partout des slogans actions et collectifs antimilitaristes. Et en effet, les affiches sont fournies à la fin de l'article, prêtes à être imprimées et collées. Allez donc faire un tour dans la rue ou sur le site lenumero0.info, ça vaut le détour. On y apprendra qu'être soldat, ça n'est pas forcément aller de l'avant, mais plutôt revenir les pieds devant. Ça n'est pas croire en soi, mais abandonner tout libre arbitre à l'institution et à la hiérarchie et potentiellement sacrifier sa vie ou celle des autres aux intérêts des dirigeants de l'État. Je parlais déjà de cette campagne de pub le mois dernier. Mais ça valait le coup de souligner cette contre-campagne, après tout. C'est de bonne guerre, non? Ok. C'est pas très fin comme transition, mais je voulais glisser subtilement que cette émission est mensuelle, tous les premiers mercredis du mois, à 17h, sur Radio Dio 89.5 FM. Le mois dernier, je vous parlais aussi du SNU, le Service National Universel. Eh ben, entre-temps, il y a eu à Saint-Étienne une soirée d'info contre le SNU, et on y a appris plusieurs choses. Que ce temps de colo encadré par l'armée pourrait se généraliser à tous les jeunes de 15-16 ans et non plus aux seuls volontaires. On a appris aussi, et on le vérifie sur snu.gouv.fr, que le SNU est en tournée de 25 étapes jusqu'au 7 juin. Le principe ? Un village de 400 à 1000 m² avec plusieurs espaces modulables s'installera au cœur des villes pour faire de la pour faire des animations, des parcours sportifs et des témoignages de personnes qui font le SNU. Par exemple, il était à Clermont le 1er avril et à Nantes le 19 avril. Ah tiens, pardon, j'interromps le compte-rendu de la soirée contre le SNU, mais il y a une autre bonne nouvelle, incroyable. Il y a des jours comme ça où les luttes donnent la pêche. C'est un article qui nous vient de Nantes. Ce 19 avril, 9e étape à Nantes de la tournée de propagande du SNU, ce projet très macronien d'embrigadement de la jeunesse, le mouvement social aidant, on s'est retrouvé à quelques 200 personnes à cerner le faux village. Il a suffi de bouger une ganivelle, de débrancher un câble pour décourager les responsables de la célébration de l'ordre. Initialement prévue de 11h à 17h, l'installation a été pliée à midi. Ah, ça fait plaisir, disais-je en début d'émission. Si vous aussi, vous voulez vivre l'expérience SNU, ce sera à Lyon le 26 mai. Tenez-vous au courant, ça serait pas mal d'aller y foutre le sbeul. Allez, on s'écoute une petite chanson et on reparle du SNU juste après. Là, les conscrits chez nous qui passent en plan le temps pour marche devant. On mit tant le drapeau fouette au vent. Et voilà ceux qui reprendront l'Alsace. Et voilà ceux qui reprendront l'Alsace. Ils viennent d'amener leur numéro. Ce sont des péchés de le maître. Les gars de charrues sur leur casquette. Les gars de patrons sur leur chapeau. Les gars de patrons sur leur chapeau. Terre tous sont fiers de leur matricule comme une jeune mariée de son voile. Et c'est pour ça qu'ils vont gueulant et qu'on les trouve pas ridicules. Et qu'on les trouve pas ridicules. Ils ont raison de prendre du bon temps. Leur gaieté touche le cœur des filles. Et de voir leur livret qui pendille. Les pieux voudraient avoir 20 ans. Les vieux voudraient être à leur place et devant leurs blagues de saligots. Des bons hommes tout blancs disent il faut. Bien bon Dieu que la jeunesse passe. Bien bon Dieu que la jeunesse passe. Et donc comme ça, bras dessus, bras dessous, ils vont gueulant des cochonneries. Plus c'est cochon et plus qui rit. Et plus qui vont et plus qui sont sous. Et plus qui vont et plus qui sont sous. Y'en a même d'aucuns qui dégueulent, mais ceux qui marchent encore au port. Pour s'apprendre à faire les soldats, s'amuse à se foutre sur la gueule, s'amuse à se foutre sur la gueule. Ils ont raison de prendre du bon temps, leur gaieté touche le cœur des filles, et de voir leur livret qui pendille, les pieux voudraient d'avoir 20 ans. Pourquoi soldats, ils en savent rien, ils seront soldats pour la défense. De la patrie, c'est quoi? C'est la France. La patrie, c'est tuer les Prussiens. La patrie, c'est tuer les Prussiens. La patrie, quoi? C'est la patrie, c'est une chose qui ne se discute pas. Faut des soldats et c'est pour ça que ce soir sur le foin des prairies, que ce soir sur le foin des prairies, aux pauvres femelles ils feront des petits qui seront des gars peut-être, à seule fin de pas voir disparaître la race des brutes et des conscrits, la race des brutes et des conscrits. Ils ont raison de prendre du bon temps, leur gaieté touche le cœur des filles, et de voir leur livret qui pendille, les pieux voudraient avoir 20 ans. Ils ont raison de prendre du bon temps, leur gaieté touche le cœur des filles, et de voir leur livret qui pendille, les pieux voudrait d'avoir 20 ans. bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Dio 89.5 dans l'émission antimilitariste « J'irai pas ». On parlait du service national universel. Vous savez, ce moment de cohésion visant à recréer le socle d'un creuset républicain et transmettre le goût de l'engagement. Eh ben, dans les Hautes-Alpes, ce 22 avril, l'engagement avait un petit goût de gerbie. C'est pas moins de 17 adolescents et adolescentes qui ont été hospitalisés le week-end du 22 avril pour des vomissements ou des évanouissements alors qu'ils étaient tranquillement en bivouac avec les bidasses. Ceci n'a pas empêché Macron de parler du SNU dans Le Parisien dans le même week-end. Et concernant son caractère obligatoire, il parle d'une montée en charge progressive. Et ouais, un rapport du Sénat lui avait déjà dit que c'était pas possible de le rendre obligatoire d'un coup pour 800 000 jeunes. Qu'à cela ne tienne, il s'accroche le bougre. La montée en charge progressive dont il parle, ce serait d'abord dans 6 départements à la rentrée 2024, puis 20 départements à la rentrée 2025, et enfin une généralisation pour la rentrée 2026. Alors, avant la chanson de Gaston Couté, je parlais d'une soirée à Saint-Étienne contre le SNU. Lors de cette soirée, on a pu entendre qu'il fallait faire confiance aux jeunes, qu'on ne pouvait pas être décervelé et embrigadé en 15 jours. C'est vrai, on doit faire confiance aux jeunes. Et d'ailleurs, quand l'État parle de transmettre le goût de l'engagement, les jeunes s'engagent déjà. Ils s'engagent pour l'écologie, contre le racisme, contre la réforme des retraites, contre la précarité et les oppressions. On s'est dit aussi dans cette soirée qu'on pouvait mettre la pression aux assos qui acceptaient de collaborer avec le SNU, notamment les CMEA par exemple. On s'est dit que ça ressemblait un petit peu au chantier de jeunesse de Vichy aussi. Et on a appris aussi autre chose au cours de cette soirée. Mais avant de parler de cette autre chose, j'avais envie de vous passer un petit son d'une manif qui a eu lieu le 26 avril contre la tournée du SNU aussi. Je vous le passe maintenant. La jeunesse emmerde le service national, c'est ce qu'on entendait le 26 avril à Versailles, devant ce village SNU qui était installé. Bon, alors là, au moment où j'ai coupé, ils étaient en train de se faire pousser par les flics, et notamment il y a un cheval de la police qui est rentré dans les manifestants comme ça pour essayer de les calmer, mais ils ont tenu bon, hein, ils sont restés. Voyons si je continue, c'est une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube. SNU, non, ouais, ils ont tenu bon. Voilà, c'est un moment un peu corsé avec les flics, je pense. Voilà. Bon, mais on a appris aussi autre chose qui était un peu effarant. Savez-vous ce que sont les classes de défense et de sécurité globale ? Alors, on peut lire sur défense.gouv.fr « Les classes de défense sont l'un des dispositifs majeurs du plan Égalité des chances du ministère des Armées. Elles participent au lien armée-jeunesse. » Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Si j'ai bien compris, des collèges ou lycées peuvent avoir une unité marraine parmi les casernes alentour et constituer avec des élèves plus ou moins volontaires une classe de défense qui a 1 à 2 heures par semaine pour des temps de rencontres et d'activités avec des militaires pour donner aux élèves des repères pour comprendre la défense et la sécurité nationale. Alors, il y a actuellement plus de 475 classes défense impliquant près de 12 000 élèves. Rien que ça. Alors, je vous passe les détails des 40 pages de l'étude prospective stratégique qui provient de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire intitulée Accrochez-vous, le titre fait trois lignes. Impact et apport du dispositif des classes de défense proposé par le ministère des Armées dans le cadre du parcours scolaire et de citoyenneté des élèves. Je vous passe les détails, mais je vous livre quand même quelques pépites. Dans l'intro, à la ligne 3, on peut lire « Les signes d'une fragilisation des principes portés par le projet démocratique sont visibles. 49-3, barbouzerie à Saint-Étienne, mutilation des manifestants et manifestants... pardon, je m'égare, je recommence. » Alors on peut lire ligne 3 « Les signes d'une fragilisation des principes portés par le projet démocratique sont visibles. Montée des incivilités, violence dans l'espace public comme dans les formes d'expression politique des citoyens, accroissement de l'abstention, remise en cause de la démocratie représentative, légitimation dans l'opinion des actions protestataires. Ces évolutions interpellent les pouvoirs publics, notamment dans le champ éducatif, où l'apprentissage de la citoyenneté est un enjeu décisif pour la pérennité du système. » Alors si comme moi vous avez le hobby de lire la prose bureaucratique, vous vous rappelez bien entendu de l'intro de la loi séparatisme, vous savez celle qui sert à dissoudre les associations Antifa ou écolo. Ben l'intro ça commençait comme ça, une menace agite la France. C'était ça l'intro de la loi séparatisme. Bref, revenons à nos chers moutons. Les armées sont impliquées dans plusieurs dispositifs visant d'une part à renforcer l'éducation à la citoyenneté, d'autre part à contribuer au parcours d'insertion professionnelle des jeunes. Et la synthèse de cette étude, donc page 30, nous dit plusieurs choses. Alors la synthèse. Le dispositif des classes de défense s'inscrit au cœur de plusieurs défis décisifs pour la nation. Il compense la suspension du service militaire et la réduction de l'empreinte militaire sur le territoire et permet un contact entre les jeunes et la défense. Il contribue par l'éducation à la citoyenneté à lutter contre la remise en question des valeurs républicaines qui fragilisent le lien social. Parmi les points forts de ce dispositif, toujours à la page 30, la transmission des valeurs propres aux armées contribue à modifier certaines représentations des élèves sur le sens de l'engagement et du dépassement de soi. Un point faible, et c'est aussi une bonne nouvelle pour cette émission, plusieurs enseignants ont fait part du refus de leurs collègues d'intégrer le dispositif par antimilitarisme. Eh bien, voilà une de bonnes nouvelles. Et enfin, la conclusion de la conclusion, page 31. Enfin, ce dispositif innovant peut contribuer utilement à combler un espace-temps décisif au cœur de l'adolescence. Ben oui, ils ont besoin de ça, les jeunes. En créant la possibilité d'un parcours citoyen sur un temps plus long, mais alors, allons bon, il pourrait être allongé et constituer le point de départ d'une offre quasi continue, bah dis donc, visant à sensibiliser au plus tôt les jeunes aux enjeux de la défense et de la sécurité. Voilà une étude très sérieuse de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire qu'on peut trouver sur le site tout à fait officiel défense.gouv.fr. Mais qu'est-ce qu'ils en disent, les élèves, après tout ? On pourrait leur demander. Ou, pour le savoir, on pourrait demander au général Daniel Menawin, le directeur du service national et de la jeunesse. Il a l'honneur de nous présenter, la brochure de l'opération « Classe de défense en action » qui illustre, grâce à des affiches de cinéma réalisées par les élèves durant l'année 2021-2022, le partenariat entre des classes de collège et de lycée de toute la France et des entités du ministère des Armées. Ces affiches mettent à l'honneur des projets dont le scénario est souvent rempli d'action, d'aventure, de suspense et d'émotion. À l'image des héros des films, les militaires sont eux aussi des modèles inspirants pour les jeunes. Voilà, sur défense.gouv.fr, vous pouvez donc trouver cette brochure d'une centaine de pages qui nous montre, je ne sais pas si ça respecte le RGPD, mais il nous montre les photos de plein de mineurs qui posent en treillis en faisant le salut militaire pour leur affiche de propagande qu'ils ont fait eux-mêmes. Par exemple, le slogan de la classe de défense du collège Vauban à Blaye, « Unis dans la force et l'honneur ». Waouh. Sandra, page 20, en troisième dans un collège de Clermont, dira « Découvrir tous ces métiers en rapport avec les militaires, c'est super intéressant, car leur travail est surtout basé sur l'entraide, la cohésion et l'écoute des autres. Waouh, ça vous rappelle pas la pub du début de l'émission ? Alors moi j'ai changé le prénom, mais je pense que les prénoms et les noms sont vrais dans la brochure qu'on trouve sur défense.gouv.fr. Ça fait flipper. Le collège Victor Hugo titrera « Un devoir envers la patrie ». engagement, valeur, justice. À Perpignan, notre slogan, détermination, cohésion, la classe défense, toujours en action. Voilà à quoi peut bien servir l'école. C'est formidable, non ? Alors, pour clore cette partie sur la militarisation des esprits, je vous lis le texte d'une chanson dont j'ai pas trouvé l'air. Elle a été écrite par Paul Saphir au début du siècle dernier. Je l'ai trouvée dans un journal qui date de 1906 et elle s'appelle « Enfant, ne jouez jamais aux soldats ». Enfant, les soldats sont des bêtes, il ne faut pas les imiter. Ils étaient doux comme vous l'êtes, leurs maîtres ont su les capter. Abrutis par le jeu des armes, parqués comme de jeunes veaux, pour des histoires de drapeaux, ils s'entretuent, pauvres cerveaux. En dépit des mères en larmes, ce sont des bêtes, les soldats. Bête est celui qui leur ressemble. Aussi dans vos joyeux ébats, enfants, quand vous jouez ensemble, ne jouez jamais aux soldats. Enfants, les soldats sont des brutes, avec fusils, sabres, canons. Tout le jour, ce ne sont que luttes. Le soir, que vadrouille son nom. En bons élèves de caserne, ils jugent tout en mal appris. Causez-leur, ces pauvres esprits résonnent comme leurs gibernes. Ce sont des brutes, les soldats. Brut est celui qui leur ressemble. Aussi dans vos joyeux ébats. Enfants, quand vous jouez ensemble, ne jouez jamais aux soldats. Enfants, les soldats sont des lâches. La discipline, leur catin, a su faire de ces bravaches des valets n'ayant rien d'humain. Ils maltraitent les prolétaires en grève, et quand ces affamés se dressent, las d'être opprimés, ils tirent sur ces désarmés au risque de tuer leur père. Ce sont des lâches, les soldats. Lâche est celui qui leur ressemble. Aussi dans vos joyeux ébats, enfants, quand vous jouez ensemble, ne jouez jamais aux soldats. Enfants, les soldats assassinent, pillent, sèment partout la mort. C'est avec amour qu'ils chourinent quand ils se sentent les plus forts. Prétextant pour leur brigandage la patrie ou le dieu puissant, ces monstres font couler le sang et se repaissent de carnage. Ce sont des brigands, les soldats, vous n'avez rien qui leur ressemble. Aussi, dans vos joyeux ébats, enfants, quand vous jouerez ensemble, vous ne jouerez plus aux soldats. On fait une petite pause musicale avec un petit big up secret à un copain qu'on passe maintenant, c'est Barbara Weldens, « Je ne veux pas de ton amour ». Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas me rapprocher pour mieux entendre battre ton cœur. Crache le miel sur ta voix, enlève ces étoiles dans tes yeux. Remballe tes fleurs, écoute-moi, il n'y a pas d'amour heureux. Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas être le geôlier de ta belle prison dorée. Garde les clés, ou bien jette-les, mais retiens-toi de les confier. Tu pourrais bien regretter l'usage qu'il en serait fait. Je ne veux pas que l'on pourrisse dans un salon à se parler comme des somnambules devant la télévision. Je ne veux pas que tu me vois sans m'admirer. Je ne veux pas par habitude t'effleurer sans te désirer. Je ne veux pas voir dans tes yeux les rêves s'éteindre au fil du temps. Ce temps qui ronge tout peu à peu, qui ne nous laissera que les ans. Et puis l'amour au nom duquel nous nous serons coupés les ailes. Je ne veux pas te répéter jour après jour qu'il faut que t'arrêtes de fumer jusqu'à ce qu'un jour, au fond de tes poumons, le diable, sous un accoutrement de crabe, à sa sournoise façon, me donne finalement raison. Je ne veux pas que tu t'étrangles de tristesse quand tu me diras que tu as pris une maîtresse. Je ne veux pas t'avouer un soir, alors que je rentre un peu tard, que j'aime un autre homme que toi et que ça se termine comme ça. Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas de nos enfants, il y a assez de gens qui souffrent. Je ne veux pas que le tourment de leur départ nous engouffre à tout jamais dans les torpeurs de la solitude à plusieurs. Je ne veux pas que tu m'aimes, je n'ai pas besoin que l'on m'aime. Je t'aime assez pour que toute l'humanité se passe d'aimer et pour faire de ma chienne de vie une suintante symphonie. Je ne veux pas de ton amour, il me fait mal. Puisque tu m'aimes, fais-moi plaisir, fais-toi la malle. Va-t'en regagner tes chemins de libertin. Et oublie-moi comme on oublie de faire une caresse à son chien. Je ne veux pas de ton amour, je t'aime aussi. Et ça bien pour ça que je refuse de faire de toi l'homme de ma vie. Tu n'es l'homme de personne, je te veux libre pour toujours. Je ne veux pas de ton amour. Alors, on vient de clore. Vous êtes toujours sur l'émission antimilitariste J'irai pas, en direct de Radio Dio 89.5 FM, tous les premiers mercredis du mois à 17h. On est le mercredi 3 mai et on vient de clore une grande rubrique sur la militarisation des esprits et des jeunes. On continue avec deux rubriques plus courtes. D'un côté, l'actu locale et de l'autre, l'actu nationale. Localement, d'abord, quelles sont les nouvelles dans le domaine de la mort et du carnage ? Eh ben, ça y est, Vernet-Caron va déménager. Ou plutôt, non, Vernet-Caron est bien parti pour rester. C'est ce que nous dit Hugo Brugière, son président, et aussi PDG de Cybergun, dans une interview de France Bleu. Si l'entreprise quitte le site du boulevard Adolphe Thiers, un nom pourtant si charmant, on est bien parti pour rester à Saint-Étienne, dit-il. La métropole et la ville ont été extrêmement aidants dans le projet qui est le nôtre de garder l'usine à Saint-Étienne. Ah ouais, encore une occasion pour l'industrie de remercier Gaël. Mais ça sera où exactement cette nouvelle usine ? Réponse : on laisse une surprise pour quand on fera l'inauguration. Ah le coquin, il veut pas nous dire. Va falloir qu'on attende ou qu'on farfouille un peu plus. Alors, je vous parlais le mois dernier de NBC Cyst, de Saint-Chamond. Eh ben, ça y est, croissance économique aidant, l'entreprise ouvre depuis hier, le 2 mai, une deuxième usine de production vers la manufacture d'armes de Saint-Étienne. C'est ça qui est cool avec la guerre, c'est qu'on n'est jamais à court d'innovation et de contre-innovation. Rappelez-vous, l'entreprise fabrique des masques à gaz et des cartouches filtrantes NRBC, nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques. Et oui, on n'est pas à court d'invention ni de contre-invention. Et ces cartouches servent à équiper les blindés construits par Nexter, dont NBC 6 est une filiale. Nexter, vous savez, c'est l'entreprise de Rohan qui construit les canons Kaiser pour les vendre à l'Arabie Saoudite afin de bombarder les civils au Yémen. D'ailleurs, les fûts des canons Kaiser sont façonnés pas loin d'ici, à Firminy, chez Aubert et Duval. Grosse actu pour Aubert et Duval, d'ailleurs. Ils se font racheter par Safran et Airbus. Citation : l'acquisition d'Aubert et Duval permet de garantir une souveraineté nationale et européenne à nos programmes stratégiques de moteurs disruptifs, civils et militaires, nous dira le 28 avril le directeur général de Safran. Safran, petite entreprise cotée au CAC 40, avec 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puisqu'on était à Firminy avec Aubert et Duval, qui va se refaire une santé grâce à Airbus et Safran, on s'éloigne un tout petit peu en direction de la Haute-Loire. Je vous parlais déjà, le mois dernier, de l'entreprise Hexadrone à Saint-Ferréol-d'Aurour. Eh ben ça y est, son dirigeant annonce, il y a 10 jours, qu'ils sont en capacité de produire 1 millier d'exemplaires par an de ces sympathiques bébêtes bardées de capteurs et caméras. Le fabricant du Tundra 2, conçu comme un porte-outil, qui peut porter jusqu'à 4 kg de charge utile, va produire et vendre à plus grande échelle. Super, non ? Alors 4 kg de charge utile, je vous rappelle que par exemple le fusil d'assaut Vernet-Caron 15 qui équipe les troupes d'assaut du Maroc par exemple, il pèse 2,9 kg. Donc c'est tout à fait imaginable qu'un drone construit par Hexadrone à Saint-Ferréol-d'Aurour puisse porter des fusils puisque c'est un porte-outil. Voilà, peut-être ça peut porter des bombes aussi, je sais pas. Voilà, bon, ça c'était une excellente nouvelle locale pour l'industrie mortifère. Alors, voici pour le côté local, on va s'écouter un autre petit big up, c'est Au-dessus du pont, avant de passer à l'actu nationale. Il y a des poissons nageant dans la rivière, au-dessus du pont, juste en dessus du pont. Il y a des oiseaux voletant dans l'air, et puis sur le pont, juste assis sur le pont. Il y a Marie et il y a Pierre qui parlent d'amour et de papillons, se tenant la main sans en avoir l'air, qui parlent d'amour. sont amoureux comme d'autres avant eux. Au-dessous du pont, juste en dessous du pont, les poissons sont morts, ils ont le ventre en l'air. Au-dessus du pont, juste en dessous du pont, restent des corbeaux croassant dans l'air. Et puis sur le pont, défilant sur le pont, et marchant au pas, il y a des militaires. Pense ta Marie qui est si jolie, ils aimeraient mieux ne pas faire la guerre. Pense ta Marie qui est si jolie, ils sont malheureux comme d'autres avant eux. Avant de passer à l'actu nationale, Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5, c'est la dernière partie de l'émission antimilitariste J'irai pas, tous les premiers mercredis du mois à 17h. Mais avant de passer à l'actu nationale, je disais, je voulais vous faire part d'une petite frustration. En fait, en bossant un peu sur l'économie locale de Saint-Étienne, on a vraiment envie de faire une grande rubrique là-dessus. Et notamment, pourquoi pas, ça pourrait faire l'objet de la prochaine émission, une rubrique autour de l'histoire de la manufacture d'armes de Saint-Étienne et de l'industrialisation de l'armement. Voilà. Juste si vous avez des infos, vous pouvez les envoyer à jirepas@riseup.net, donc jirepas@riseup.net, et puis on pourra transmettre des infos, on pourra en parler de tout ça sur l'histoire de l'armement sur Saint-Té. Ça pourrait être cool, non, une prochaine émission là-dessus. Bref. Alors, en guise d'actu nationale, je voulais revenir sur l'opération Orion dont je vous parlais le mois dernier. Cette fois, c'est le journal L'Est Républicain qui en a parlé toute la semaine dernière, jusqu'à hier. Fin février, c'était 7000 soldats qui faisaient joujou entre Sète et Carcassonne. Eh ben, la semaine dernière, ils étaient 12 000 entre Besançon et Amiens, avec 2500 véhicules, 40 hélicos, 50 avions et plus de 100 drones. Mais qu'est-ce que c'est Orion ? Une coalition multinationale au sein de laquelle la France tient le rôle de nation cadre, fait face à un adversaire fictif, Mercure, et doit permettre la libération de la région Arnhem-Land. Je vous disais le mois dernier que cet exercice était une belle occasion de renforcer le lien armée-nation et de voir notre armée en action. Entre-temps, et ça c'est encore une bonne nouvelle, il y a eu une manif à Sète contre cet exercice et contre cette mascarade. Mais il y a un autre objectif pour l'armée. Encore une fois, citation de l'Est Républicain. L'opération d'envergure pour des armées résilientes, interopérables, orientées vers la haute intensité et novatrice, ça c'est l'acronyme de Orion, donc Orion doit permettre à la France de prouver qu'elle est prête à prendre la tête d'une coalition multinationale. Si on lit entre les lignes, ça ressemble à une répète générale avant une guerre de l'OTAN dans laquelle l'armée française veut paraître crédible. Pour vous immerger, vous pourrez lire l'Est Républicain. Je vous en lis quelques extraits, c'est assez croustillant. Ce samedi matin, au petit jour, dans le CENSUB, alors CENSUB ça veut dire centre d'entraînement en action aux zones urbaines, dans le CENSUB de Sissonne, on découvre la zone de Géoffrécourt, une ville entière avec à gauche une zone pavillonnaire, à droite de grandes artères et au centre, le centre historique avec son lieu de culte et son cimetière. C'est sur ce terrain, entre école et station essence, que les deux camps, les bleus d'Arnhem-Land d'un côté, les gentils, et les rouges de Mercure de l'autre, les méchants. J'invente rien, c'est une citation de l'Est Républicain. Donc c'est sur ce terrain qu'il passe à l'action. Les blindés sont positionnés, les chars Leclerc entrent dans la ville, le commandant qui assiste aux opérations explique « Là, c'est abrasif, anxiogène, le terrain ressemble au Kosovo qu'on a connu dans les années 2000. » La ville est attaquée, des centaines de tirs sifflent, des fumigènes rouges et verts englobent les maisons dans un brouillard. Les opposants sont arrivés à pied par le sud et par l'est avec des véhicules blindés. C'est une attaque convergente, un exercice hyper réaliste et difficile à gérer pour les soldats, tant les scènes sont réalistes. Pareil, hein, encore une citation. Des tireurs sont postés à chaque fenêtre, les chars cherchent leur cible, les premiers blessés sont évacués. Le général Pierre Foch explique « Là, ça cartonne, c'est ferraille contre ferraille, blindé contre blindé. Pour avoir une bonne idée de l'organisation que cela implique, il faut se dire que 15 jours de combat, c'est 6 piscines olympiques de carburant. » Waouh ! Alors si avec ça, on n'est pas servi pour avoir une idée de ce que c'est l'armée française, eh ben, je sais pas, vous pouvez encore vous immerger en lisant d'autres textes et en regardant les photos de l'Est Républicain. Ça nous donne quand même un petit peu envie d'écouter « J'aime mon pays » de Sexy Sushi. Mais avant ça, on va lire un extrait d'une brochure de la CGT qui s'appelle « Nouveau manuel du soldat, la patrie, l'armée, la guerre ». Voilà, donc j'ai choisi de parler du paragraphe 2 qui s'appelle « L'armée ». Donc le paragraphe 1 parlait de la patrie, peut-être qu'on pourra le lire une autre fois. Mais je vais vous lire ce passage-là. La plus affreuse conséquence du patriotisme, c'est le militarisme. Le militarisme est né du jour où quelques-uns prirent pour eux ce qui appartenait à tous et résolurent de le conserver, même par la force. Le militarisme est né du jour où quelques hommes voulurent imposer à tous leur volonté. L'autorité ne peut rester debout sans le militarisme, sans les moyens de se maintenir par la force contre quiconque s'oppose à elle. L'armée, dit-on, est pour la défense nationale. Or, est-ce défendre une nation que de se faire tuer pour les intérêts de quelques-uns ? Y a-t-il seulement défense de quelque chose, puisque la condition principale qui exige la défense, c'est l'attaque ? Qui donc nous attaque ? Pourquoi nous attaquerait-on ? Pour prendre notre bien ? Nous n'en avons pas. Non, le militarisme est un moyen d'asservissement. La caserne fait de nous une machine à obéir, comme elle en fait une machine à astiquer et à marcher au pas. Il faut obéir aux ordres les plus idiots, les plus contradictoires, les plus immoraux, les plus grossiers. Il faut obéir comme un chien qui sent lever sur lui le fouet du maître. Le fouet, c'est le code qui punit de mort un geste de dignité, un mouvement de révolte. Obéir comme un lâche, car on a toujours peur que, même en obéissant, on soit encore puni. Aussi, de la caserne, on rapporte le culte de la... Aussi, de la caserne, on rapporte le culte de la force brutale, la religion de la violence. Les militaires professionnels, les officiers auxquels on nous livre corps et âme, pendant 3 ans, et cela à un âge où, presque encore enfants, nous subissons si aisément toutes les influences. Les officiers forment dans la nation une caste à part, une véritable caste de brutes. Le meilleur officier, le militaire accompli, c'est celui qui se montre en toutes circonstances la plus parfaite brute. Que peuvent être, en effet, l'intelligence et le caractère d'hommes qui, toute leur vie, tiennent au lieu d'un outil pour produire, une arme pour tuer, d'hommes qui ont abdiqué une fois pour toutes devant le bon plaisir du plus galonné. Comment de tels êtres n'opposeraient-ils pas, en toute chose, la violence à la raison ? En face de l'intelligence et de l'énergie paisible qui peinent à édifier l'avenir, les porte-sabres représentent donc la bêtise et la violence des âges lointains. L'armée est parmi nous, comme un sanctuaire où, pour entraver l'œuvre civilisatrice, pour faire obstacle au progrès, la force bestiale est entretenue avec soin, idéalisée, épanachée, dorée et galonnée. Et, de la caserne, de telles habitudes gagnent par contagion tout le corps social. Les années de service sont pour chaque citoyen un apprentissage de brutalité et de bassesse. La lâcheté morale, l'habitude de se soumettre et de trembler, voilà donc ce qu'on rapporte des casernes. C'est en sortant du régiment que des hommes sont capables de faire les traîtres à la classe ouvrière en devenant des policiers ou des jeunes. Mais l'armée a un autre rôle, c'est celui d'être le gendarme national. Ce sont des soldats qui sont envoyés dans les grèves, fusils chargés, baïonnettes au canon. Ce sont eux qui sillonnent les rues de galopades et de charges. Quand, chassés du travail par la rapacité patronale, les travailleurs pensent avec raison que leur place est dans la rue. Je vous lis une autre petite citation de cette brochure de la CGT, Nouveau manuel du soldat. Ça résonne un peu avec l'actualité, vous allez voir. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire l'année, enfin j'ai un peu fait exprès, mais je vous dirai l'année après, vous essayez de deviner entre temps. Voici maintenant ce que coûte l'armée. On ne trouve pas d'argent pour assurer une retraite aux travailleurs qui ont produit toute leur vie, mais l'on en trouve pour ceux qui font métier de soldat, qui en font carrière sans connaître l'ignominie qu'est la caserne pour le soldat, puisqu'ils sont officiers. Un commandant gagne 5508 francs, un lieutenant-colonel 6588 francs, etc., etc. Alors, est-ce que je vous dis, cette brochure, elle a été éditée pour la première fois en 1902. Voilà. Et du coup, elle était distribuée aux personnes qui étaient conscrites, qui faisaient leur service militaire. C'est pour ça qu'on parle de 3 ans en caserne à l'époque. C'était entre 2 et 3 ans de service militaire qu'il fallait faire. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres trucs bien croustillants dans cette brochure, mais on peut s'arrêter là pour cette émission.